sorcier. Mais qui contrôle quoi? Dire plus rien, quels sont nos rôles? J'en sais plus rien. Peu à peu, elle, oui, elle perd la tête. Nos jambes ne courent qu'après les pépettes. Mais faudrait peut-être penser par nos cœurs. Ça me désole, tu connais le refrain par cœur. En résumé, nos idées ont été consumées. J'assumerai pas que l'espoir part en fumée. Enfumé par l'argent, le sexe, le pouvoir. Même sans espoir, j'espère y croire. Aujourd'hui, plus de magie, genoux agis. Personne agit, tout le monde fait crager. Elle, c'est celle qui vend du rêve, mais t'offre la merde. Comme une pucelle, elle fait celle qui se démerde. C'est aussi celle qui crée tous des problèmes. Ce fameux elle, c'est la société elle-même. Les acteurs principaux s'en mettent plein les couilles. On joue les seconds rôles et ils s'en battent les couilles. Tout n'est qu'à parent, son dieu, c'est l'image. C'est par le petit écran qu'elle passe ses messages. Les liens ne s'y créent que par l'argent, car tout le reste est secret entre les gens. La thune devient sacrée, car c'est le pouvoir. Alors ça crée des tas de tristes. Retour au point de départ, la monnaie nous dirige. La société, les riches tout en haut de la tige. Mais la fleur fan, et ça je crois que tu piges. C'est la cause de beaucoup trop de nos litiges. En vrai, personne ne contrôle réellement. C'est seulement en possession de l'argent. Sans tu n'es qu'un homme sans essence. Livre à toi-même telle une caisse sans essence. Il est 6h50, je pars à la fac étudier. Problème, quelqu'un vient de se suicider. Sur la voix, ça peut que susciter le désarroi. C'est pas la loi de la société qui changera ça. Un bon rap conscient qui fait réfléchir. Écoute bien encore ce que j'ai à dire. La merde est aussi bien sur le macadam que dans nos âmes. Surtout quand je revois cette jeune femme. Tu sais plus où tu es, étudiante prostituée. Pas une thune, la pauvreté t'a tué. Le rôle de l'état, il était assuré. La réponse n'est même pas à mesurer. C'est grave, j'accepte pas tous ces drames. Comme ce SDF mort près d'une rame. Faudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme. Plus aucune morale, c'est infâme. Et car nous sommes les produits de cette société, assujettis à être bien nourris de leurs conneries. Ça fait passer le temps, mais pas les problèmes. Y'a jusqu'à quand avant que ça saigne? Virus sociétal finit par atteindre tous ses corps. Le bien s'égare, la réalité s'égore. Nos joies s'égarent, voilà le décor. On prend part au spectacle sans bouger comme déjà mort. Dehors les esprits retiennent leur colère. Mais à l'intérieur les violences conjugales s'accélèrent. Va falloir que le pain soit 10 euros pour qu'on bouge. Ou que les femmes ne puissent nourrir leurs petits goûts. Compris, la société est dans tout esprit comme un cercle vicieux et qui s'inscrit en toi, en moi, en nous et puis te détruit. Sa réalité est trop forte et tu ne peux fuir. Yeah, yeah, surfing, c'est ça la société.